Courant Indigo vous présente une méditation du matin. Vivre une belle journée et attirer l'abondance. Alors que tu es déjà réveillé, en position couchée ou assise, je t'invite à nouveau à fermer les yeux. Prends un moment avant de commencer cette journée pour la programmer et faire en sorte de vivre une belle journée et même d'attirer à toi l'abondance sous diverses formes. Détends-toi. Ta position est confortable et si elle ne l'était plus au cours de cette méditation, tu changerais de position. Veille à installer le calme en toi, à laisser les tensions, comme le stress ou l'impatience, s'échapper de ton corps. Accorde ton attention au souffle qui t'anime. L'air entre par les narines dans ton corps, il descend et monte à travers lui pour régénérer chaque cellule. Répète mentalement, par cette méditation guidée, je vais réactiver mon pouvoir de l'intention et user de la loi de l'attraction, car je vais émettre des fréquences vibratoires résonnant avec celle de l'abondance. Observe déjà la détente s'installer en toi. Les poumons gonflent et se dégonflent. Le diaphragme se soulève et se rabaisse aussi. Dès que des pensées viennent à toi, centre à nouveau ton attention sur le souffle qui t'anime et qui permet de te sentir vivant. Tu respires consciemment et tu es guidé par ma voix. Je te demande maintenant, afin de te sentir en sécurité, et bien ancré dans le « ici et maintenant », je te demande d'imaginer des racines qui partent de la plante de tes pieds ou du périnée en fonction de ta position. Ces racines s'enfoncent dans le sol, encore plus loin. Prends le temps de les voir grandir. Ces racines t'appartiennent et te soutiennent. Elles te permettent de garder l'équilibre. Et aujourd'hui, tu as besoin de cet équilibre. Répète mentalement les affirmations suivantes afin de les intégrer en ton fort intérieur. J'ai confiance en moi et en l'univers. J'accepte que ce qui arrive est juste. Je lâche prise de toute attente. Je suis dans la gratitude de ce qui m'arrive. Je suis dans la certitude que je mérite, autant qu'un autre. De vivre la situation merveilleuse que je souhaite. Toutes mes pensées sont imprégnées d'amour envers moi-même. Je suis bienveillant envers moi-même, envers les autres et l'humanité. Ce que je souhaite voir se réaliser. Et pour le bien de tous. Et celui de l'humanité. Respire profondément en toute conscience. Tu te vois à présent sur un chemin dégagé. Au fur et à mesure que tu avances sur ce chemin, dénué d'obstacles, tu observes les alentours. Tu ressens une douceur t'envahir. Une confiance indescriptible inonder ton cœur et ton corps. Avance à ton rythme et savoure la facilité avec laquelle tu avances. Et si cela n'est pas le cas, tu peux aussi passer facilement au travers de chaque obstacle. Laisse faire, quelle que soit la façon dont tu y parviens. Tu sais que d'autres chemins viennent croiser le tien ou sont parallèles. Tu choisis le chemin le plus lumineux. Tandis que tu empruntes ce chemin lumineux, ou même éclairé, tu aperçois peut-être le bout du chemin, une halte à laquelle il te faut arriver, à laquelle tu peux accéder, laquelle tu choisis consciemment de rejoindre. Sans la nommer ou y attribuer un quelconque objectif. Savoure cette multitude de possibilités qui s'offre à toi dès maintenant. Tu découvriras l'abondance et la gratitude au cours de cette journée. Permets-toi de te visualiser déjà à cette halte sur le chemin, cette aire de repos. Installe-toi là et vois-toi le visage heureux. Qu'observes-tu dans les environs? Fais appel à tes cinq sens. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Sens-tu sur ton corps la chaleur du soleil ou la caresse d'une légère brise. Respire. Que ressens-tu? Et si je te disais, et je te dis, que tu ressens la paix, la plénitude en toi, tu as goûté l'abondance et tu vis un état de gratitude. Alors tu ressens être épanoui, être apaisé, souris intérieurement et profite encore de cet instant en ancrant chaque détail et chaque ressenti dans toutes les cellules de ton corps. À partir de maintenant, tu émets des vibrations d'abondance. Sois-en certain. Cultive cette certitude au cours de cette journée. Ce soir, tu choisiras de remercier chaque moment, de vibrer la gratitude que tu ressens déjà maintenant. Il est temps de revenir à la pleine conscience de notre réalité physique et d'aborder ce nouveau jour avec confiance et sérénité. Tu quittes cet endroit et reprends le chemin. Et tandis que tu continues sur ton chemin, ta silhouette s'estompe et tu reviens lentement à la pleine conscience de notre réalité physique. À la pleine conscience de ton corps. Tu vois à nouveau les racines. Elles s'estompent lentement en devenant transparentes. Elles sont toujours présentes, mais de façon discrète. Tu sens l'énergie circuler et remonter en toi par les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, les bras, les mains, mais aussi le cou, la tête et les muscles du visage. Respire profondément 3 fois à ton rythme et ouvre les yeux. Je te souhaite une merveilleuse journée. Merci.